Le lendemain, il fait un temps magnifique. C'est le début d'une belle journée d'été pour faire un pique-nique dans une prairie. Enfin, on ne visite plus de volcan, se réjouit Daniel. Tu parles, ça commence pour de bon, réplique Luc. Tu as oublié, le Cantal, c'est l'Etna Auvergnat. Oh là là, soupire Daniel. On ne grimpe vraiment pas aujourd'hui ? Demande-t-il à Alex. Non, ne t'inquiète pas. Mais vous savez qu'on peut aussi monter sur une construction qui est, disons, la sœur de la tour Eiffel. Tous le regardent, étonnés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dit Thierry en hochant la tête. En Auvergne, il y a une sorte de tour Eiffel. Seulement, elle n'est pas en hauteur, continue Alex sans se laisser décontenancer. Lui aussi, il parle comme un oracle, plaisante Thierry. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, vous allez voir. Le car nous attend. Le car longe d'immenses pâturages où paissent des vaches à la robe brune. Ces vaches nous donnent le lait pour un excellent fromage qui s'appelle le Cantal et qui est connu en Auvergne sous le nom de fourme, explique Alex. Qui sait ce que ça veut dire, fourme ? Pas de réponse. Il faut tout simplement échanger une voyelle. Ah ! Forme ! S'écrie Luc spontanément. Super ! Le félicite Alex. Ce nom vient de la forme de bois où on a mis le fromage. Et c'est donc l'origine du mot fourmage, qui est devenu fromage. Cool ! Remarque Daniel. Mais je vois partout des vaches et pas de tours courbées. Où sont-elles alors ? Dans l'imagination d'Alex. Peut-être qu'il a eu des hallucinations ou vu un mirage, ricane Thierry. Des mirages en Auvergne, génial ! Une nouvelle attraction touristique. Tous rient.